L'Agence télégraphique centrale de Corée a publié l'éditorial « Non à la priorité aux États-Unis, nazisme du 21e siècle » qui révèle la nature criminelle de la priorité aux États-Unis affichée par la bande de Trump des États-Unis. Elle indiquait « Le trouble mondial dû à l'arbitraire et au diktat de l'actuelle administration américaine est le corollaire direct de la priorité aux États-Unis dont parle bruyamment l'administration Trump. » De par sa nature, la primauté des États-Unis est une nouvelle version de l'hégémonie poursuivie par les administrations précédentes des États-Unis. C'est une idéologie réactionnaire incitant à l'agression et au chauvinisme radical selon lesquels, peu importe que soit bafouée la souveraineté, le droit à l'existence et au développement des autres pays ou nations, si c'est pour les intérêts américains. La prééminence américaine et le nazisme à l'américaine, pire que le fascisme du siècle dernier, vu l'atrocité, la barbarie et le caractère chauviniste. Cette doctrine prétend l'hégémonie mondiale par la force militaire comme l'ambition d'Hitler pour la domination mondiale et elle fait l'objet de la condamnation de la société internationale et des citoyens américains. Comme la dictature d'Hitler, la stratégie de deux catégories de citoyens de Trump qui divise les citoyens en amis et ennemis et qui justifie la répression sème la terreur dans les milieux politiques, sociaux, de presse, d'information et autres au sein des États-Unis et va jusqu'à faire de Trump son promoteur l'objet de la destitution. La mesure contre les immigrés est tout identique à la mesure raciste du fascisme et repoussée par les grandes entreprises qui tirent profit énormément des talents d'origine immigrée et nient même l'histoire des États-Unis formée de différentes nations et races, ce qui devient l'objet de l'ironie de tout le monde. Dès son apparition, la primauté des États-Unis trouble le monde. L'administration Trump, qui a fixé la solution du problème nucléaire coréen comme le premier point de la politique de diplomatie et de sécurité, et la pression et l'intervention extrême comme la politique à l'égard de la Corée, s'acharne plus que les autres pour la menace et le chantage nucléaire et la sanction économique contre nous. Elle empêche l'importation des équipements médicaux et des médicaments, sans parler de pétrole. Une telle démarche contre l'humanité est pire que le blocus de Leningrad par Hitler. La tentative de contenir la Chine et la Russie, adversaires potentiels, et de maîtriser la région et le monde, est à l'extrême avec Trump. La bande de Trump a causé le cycle vicieux de destruction, meurtre et instabilité au Moyen-Orient aussi. Les menées américaines pour supprimer les États anti-américains ont rendu compliquée la situation en Amérique latine. Rechercher seulement le bonheur des Américains aux dépens de tout le monde, une telle manière de penser de Trump met dans l'impasse même les alliés et les valets des États-Unis. Trump méprise le droit et les conventions d'ordre international et a abandonné arbitrairement l'accord de Paris pour préserver l'environnement de notre planète. Devant les États-Unis qui négligent l'émission illimitée du gaz carbonique pour leurs intérêts, la société internationale déclare que c'est pire que la tuerie par du gaz toxique du temps d'Hitler et que c'est le crime pour transformer toute la planète verte en cellules à gaz toxique et exterminer toute l'humanité, c'est bien naturel. Les faits prouvent que la priorité aux États-Unis, qui ne cause que la terreur et l'instabilité sur le globe, n'est pas la non-ingérence, mais bien l'intervention, ni la coexistence pacifique, mais bien l'intérêt primordial à la guerre. La prééminence américaine qui cherche à ramener la société humaine de la civilisation contemporaine à un monde des barbares où règne la loi de la jungle est au point culminant de l'arrogance et de l'arbitraire, ce qui montre le cynisme et la férocité différents de l'hégémonie précédente. Tout doit exister pour les États-Unis et les servir, cette manière de penser des Yankees est anachronique et elle n'aura aucun effet devant l'époque d'indépendance et le raisonnement normal de l'humain. Toute idée et toute force fanatique qui perturbe la paix et la sécurité du monde et menace l'existence de l'être humain doivent être balayées de la planète. Voilà notre demande et l'exigence de l'humanité. Tous les pays et nations sont tenus de s'unir et de lutter contre l'hégémonie américaine qui ne pourra pas éviter la ruine définitive devant la justice et la force unie.